Dans la vie j'ai tellement de mal à faire simple. J'ai l'impression d'interpréter l'ennemi de Villeneuve. Je n'ai pas besoin d'amis dans ma tête, on est 19. Dans la théorie du chaos j'ai refait le destin. Je ne me livre que très peu comme un grimoire timide, enveloppé dans la brume comme le village qui rit. Tu me dis que t'as des poteaux, j'ai des pirates sinistres, de noir vêtu près de la cité de Minas Tirith. Je ne connais que la frustration, je ne sais pas ce que je veux mais je sais ce que je fuis. J'écoute de mes pulsations, j'ai trouvé la femme de mes rêves au sein d'Elfenlied. Je perds dans la nuit comme le docteur Tenma. J'impose le silence quand Tony scande. J'ai fréquenté la névrose et la torpeur. Je m'échappe à ton enterrement, je suis Boris Vian. Partager l'angoisse est absurde, j'ai dû pratiquer l'inception. J'efface mes peurs, pour le moment j'expie tous les mots dans l'obscur. Je ne connais que la honte comme Fassbender. J'suis dans la forêt, pas de jaguar. Toi tu es Yajirobe, tu n'as pas de technique. Byakugan, je peux voir qu'ils n'ont aucune sagesse. J'ai la coiffe, presbyte. Tapis dans l'ombre, les cristaux s'élèvent. J'ai bien plus de vis que Mephistopheles. Marvin, Guesso, George. Je voudrais être un noir comme Nino Ferrer. Bitch, Kemo, Sabé. J'arrive, j'suis comme Samuel Jackson. Faut longer le time to kill. Mais l'oiseau ne chante plus quand les cartouches sifflent. J'aime bien ton cadavre. J'aime bien ton cadavre. J'aime bien ton cadavre, j'aime bien ton cadavre, j'aime bien ton cadavre, j'aime bien ton cadavre, j'aime bien ton cadavre, j'aime bien ton cadavre, j'aime bien ton cadavre. Mon ami, c'est quoi ce bordel? Tu veux porter l'œil à George Orwell? J'ai vu le Beretta planqué dans le port Jartel. Évidemment, je ne t'apprécie qu'en post-mortem. Ils sont tombés dans le piège. Trap. Partager ma vie, c'est pas un fairy tale. Tu ne me verras pas souvent comme la vérité. Tu n'as ni queue ni tête comme Peritel. Suicidaire, assassin, porte une lame dans la manchette. Américain, le point, mais japonaise et la planchette. Passe-moi ton cœur, j'écris ma pute et téméraire. Je ne crains ni le calme ni la tempête. J'ai entendu la sorcière, fils de pute. Tu m'as laissé pour mort. Mes ennemis sont des projections de subconscient, absence de corps. Tu dis que tes forces soient plus précises, s'il te plaît. Ces rappeurs font des rêves où je n'existe pas. Pull up en moto comme Ryan, maîtrise le piège façon Dayard. Magnétophone s'appelle Diane, Anubis sur le médaillon. Jeune âme est devenu d'ailleurs, hey. J'entrevois la vie comme un jeu d'arcade. Je me sens seul depuis que j'ai 5 berges. Je ne connais pas l'abandon comme un spartiate. Mais je reviens sur mes pas comme le prince perse. Pourquoi les hommes n'arrêtent pas de parler? La plupart vont se noyer dans flasque carré. Dis-moi pourquoi tu rappes comme en 2010. Face au chat de gouttière, je suis rat de marée. J'aime bien ton cadavre, j'aime bien ton cadavre. J'aime bien ton cadavre, j'aime bien ton cadavre, j'aime bien ton cadavre, j'aime bien ton cadavre, j'aime bien ton cadavre, j'aime bien ton cadavre, j'aime bien ton cadavre.